voici votre bulletin régional pour le 20 décembre. Le 21 décembre, à l'hôtel de ville de Skøstad, le Père Noël sera présent vers 13h pour remettre des présents aux enfants de la municipalité. Le centre de femmes La Passerelle informe que leurs bureaux seront fermés du 21 décembre 2014 au 4 janvier 2015. Le 22 décembre à 19h, à la grande salle de l'hôtel de ville de Skøstad, on présente Boreal Express, version française du film Polar Express, entrée libre. Loisirs Quatre Horizons de Newport organise un groupe de carolers bilingues qui se promènera dans le village de Allenbrook le 23 décembre en soirée, chantant aux portes des maisons. Par la suite, vers 20h, il donnera un bref concert à la salle communautaire de Allenbrook.